pas le faire, ou qu'on l'imagine. Protège tes fesses, car ici y'a pas de haricots magiques. C'est tragique, on traverse les balles et les tourments. On voit plus d'enterrements que de frères prêter serment. Les flics nous serrent, non, tous donnés perdants. Serre les dents et tente d'encaisser comme Marcel Cerdan. Flash, police, stun gun, ils ont du mordant. Depuis l'insécurité, ils se sont crus importants. Aucune pitié, ces fils de pute visent les artères. Mister Karcher nous préfère dans ses charters. Par les temps qui courent, j'ai honte d'être français. J'aurais voulu naître sur la terre de mes ancêtres. En fait, ici il est interdit de penser. Regarde tous les procès qu'on attend au rap français. Liberté d'expression va avec droit de l'homme. Pour Sarko ça vaut bien moins qu'une action d'Alstom. Tu mets le feu aux poudres et quand ça pète, toi t'es hésitant. Tu kiffes le bif, les belles paroles, ça c'est évident. Tout le temps à parler d'expulsion de carte de résident. Aucun respect pour toi va te faire foutre, monsieur le président. Tu mets le feu aux poudres et quand ça pète, toi t'es hésitant. Tu kiffes le bif, les belles paroles, ça c'est évident. Tout le temps à parler d'expulsion de carte de résident. Aucun respect pour toi, y'a pas de doute, t'es pas mon président. Flex, ouais. Tu peux me dire c'est qui notre président? Celui qui dirige le pays où on est résident. Celui qui augmente son salaire de 120%. Sarko, j'ai rêvé que tu noyais dans ton bain moussant. Espèce de bouffon, ton gouvernement est pourri. On a simplé comme président avec des oreilles de souris. Tu fais que mentir, c'est pas le drapeau de l'UMP que je brandis. Je suis français, fils d'immigré du pays de Gandhi. Toi qui pars, qui fous la merde avant de réfléchir. Et face à tes pigeons, ça me saoule de voir les miens fléchir. Essaye de nous comprendre au lieu d'envoyer tes larbins. T'es pas bien, tu peux te mettre au cul tes désirs. Tu peux pas plaire à tout le monde comme l'autre PD de Marco. Tu mets mes frères sur le carreau, mais tu te crois fort en Starco. Et Sarko, tu veux nous stopper comme les narcotiques. Je te le dis en argot, Sarko, tu n'es qu'un narco. Tu mets le feu aux poudres et quand ça pète, toi t'es hésitant. Tu kiffes le bif, les belles paroles, ça c'est évident. Tout le temps à parler d'expulsion de carte de résident. Aucun respect pour toi va te faire foutre, monsieur le président. Tu mets le feu aux poudres et quand ça pète, toi t'es hésitant. Tu kiffes le bif, les belles paroles, ça c'est évident. Tout le temps à parler d'expulsion de carte de résident. Aucun respect pour toi, y'a pas de doute, t'es pas mon président. Elle est même serrée, elle est temps que je vous parle de ce président Sarko, le beau parlant. À même broadcast au parlement, et puis apparemment, t'es bon qu'à nous mito. Et quand tu passes dans les infos, mais rien que tu rabaisses les ghettos. Eh Nico, t'es président, t'es qu'un cauchemar pour les vivants. Et sans papier, on mal au ventre, même quand tu es à l'écran. T'es petit et t'as du cran, t'as pas joué dans la cour des grands. T'es qu'un rigolo envers les yeux des frères trafiquants. Les délinquants sont toujours élégants avec la cagoule et les gants. Bienvenue dans la légende. C'est pour mes frères des ghettos, quand tu bats Sarko, on cul bas Sego. C'est pour les frères des ghettos. Tu mets le feu aux poudres et quand ça pète, toi t'es hésitant. Tu kiffes le bif, les belles paroles, ça c'est évident. Tout le temps à parler d'expulsion de carte de résident. Aucun respect pour toi va te faire foutre, monsieur le président. Tu mets le feu aux poudres et quand ça pète, toi t'es hésitant. Tu kiffes le bif, les belles paroles, ça c'est évident. Tout le temps à parler d'expulsion de carte de résident. Aucun respect pour toi, y'a pas de doute, t'es pas mon président. Tu mets le feu aux poudres et quand ça pète, toi t'es hésitant. Tu kiffes le bif, les belles paroles, ça c'est évident. Tout le temps à parler d'expulsion de carte de résident. Aucun respect pour toi va te faire foutre, monsieur le président. Tu mets le feu aux poudres et quand ça pète, toi t'es hésitant. Tu kiffes le bif, les belles paroles, ça c'est évident. Tout le temps à parler d'expulsion de carte de résident. Aucun respect pour toi, y'a pas de doute, t'es pas mon président.